وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن شاء الله تعالى on va voir aujourd'hui des explications sur le hadith de Ashura. On va se baser sur l'épître de notre cheikh, Janiul Bakura, du Musalsal Hadith Ashura. Donc, je l'ai traduit en français, la récolte hâtive sur le hadith de Ashura récurrent et narratif. La récolte hâtive, c'est-à-dire la première récolte, les premiers fruits sur le hadith de Ashura, récurrent, parce que le hadith, il est musalsal, c'est-à-dire il est transmis avec la même caractéristique, narratif avec des narrations. Donc la récolte hâtive sur le hadith de Ashura, récurrent et narratif. Par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Louange à Allah, le clairvoyant et l'omniscient. Que la bénédiction et la sérénité soient sur le messager, l'annonciateur et l'avertisseur, ainsi que sur sa famille et ses compagnons bénis et savants, et sur ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour dernier. Donc sachez que chaque saison apporte avec elle des grâces spéciales de la part de Allah, ce qu'on appelle en arabe une nafha. On peut dire un souffle, une grâce spéciale. C'est un don, c'est une grâce que Allah Ta'ala accorde à qui il veut parmi sa création. Donc sachez que chaque saison apporte avec elle des grâces spéciales de la part de Allah, qu'il accorde à qui il veut par sa grâce et sa miséricorde. Le véritable bienheureux est celui à qui Allah accorde durant cette saison le succès dans son obéissance et l'honneur en lui accordant des bienfaits et le rapprochement de son agrément. Pour preuve, le hadith de Muhammad Ibn Maslama, il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرض لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا رواه الطبراني. Donc c'est un hadith d'après Muhammad ibn Maslama, il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des jours de l'année, il y a dans les jours de l'année des grâces de la part de Allah. Alors exposez-vous à elles, car peut-être que l'un de vous sera touché par l'une d'elles et ne connaîtra plus jamais le malheur. Rapporté par Al-Tabarani. En ces jours bénis, l'un des moments particuliers est le jour de Ashura. Parce que c'est un jour que Allah Ta'ala lui a donné un statut particulier. Comme cela est rapporté par notre maître Ibn Abbas, que Allah Ta'ala les agrée, qui a dit: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من محرم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Le messager de Allah, que la bénédiction et la sérénité soient sur lui ainsi que sur sa famille, a ordonné de jeûner le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi, qui l'a qualifié d'appréciable et de rigoureux. Donc ce jour est honorable, qui est le jour de Ashura, doté d'une éminente vertu et d'une sacrale ancienne, parce qu'il était connu auparavant. C'est le jour où notre maître Nuh, alayhi salam, a été sauvé, ainsi que notre maître Moussa, alayhi salam. En ce jour, d'importants événements se sont déroulés. Et notre Seigneur Tout-Puissant nous a honorés de ses bienfaits infinis. En ce jour béni, l'une des actes d'adoration recommandées est le jeûne. Car le jeûne de Ashura, bien sûr, est une sunna confirmée, comme cela est rapporté par notre maître Abu Qatada Al-Ansari, que Allah l'agrée. Un homme a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à propos du jeûne du jour de Ashura. Il a répondu: J'espère de Allah que le jeûne du jour de Ashura efface les péchés de l'année précédente. Rapporté par Muslim. والحديث احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Il est également rapporté par notre maître Hafsa bint Omar, qu'Allah les agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'abandonnait pas quatre pratiques. Donc quatre pratiques. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il est pratiqué tout le temps. La première pratique, le jeûne du jour de Ashura. Le deuxième, le jeûne des 10 jours de Dhul-Hijjah. Quand on dit les 10 jours, c'est-à-dire les 9 premiers jours, et surtout le jour de Arafah. Troisième, le jeûne de 3 jours chaque mois. Et la quatrième chose, la quatrième pratique, et les 2 rak'a, ou 2 unités de prière avant l'aube, ce qu'on appelle la prière de Ad-Duha. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contentait pas de faire 2 rak'a. Il faisait plusieurs rak'a pour cette prière qui est Ad-Duha. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad al-Nasa'i. Le jeûne du jour de Ashura était obligatoire avant l'institution du jeûne du mois de Ramadan comme une obligation. D'après le hadith de Aïcha, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, elle a dit: le jour de Ashura était jeûné par les gens de Quraysh durant la période Al-Jahiliyyah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam le jeûnait également. Donc, il connaissait le jour de Ashura avant son immigration à Médine. La suite du hadith, quand il est arrivé à Médine, il a continué à le jeûner et a ordonné de le jeûner. Puis, lorsque le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit, il a cessé de jeûner le jour de Ashura, comme une obligation, bien sûr, en parenthèse. Donc, il a cessé de jeûner le jour de Ashura. Donc, quiconque le souhaite peut jeûner ce jour, et quiconque le souhaite peut le laisser. Rapporté par Al-Bukhari. Donc, au départ, le jeûne de Ashura est obligatoire, et puis son obligation a été abrogée par l'obligation du jeûne de Ramadan, et c'est devenu facultatif. Celui qui veut le jeûner, il le jeûne. Celui qui ne veut pas le jeûner, il ne le jeûne pas. Ensuite, lorsque le jeûne du mois de Ramadan a été institué, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a délaissé l'ordre de jeûner Ashura comme une obligation pour ses compagnons. Et il est devenu une sunna confirmée pour eux. Pour preuve, ce qu'a rapporté Ibn Omar, que Allah les agrée, qui a dit: le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a jeûné le jour de Ashura et a ordonné de le jeûner. Puis quand le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire, il a cessé de le jeûner, il a cessé de jeûner le jour de Ashura comme une obligation, rapportée par Al-Bukhari. Ainsi, le jeûne du jour de Ashura est devenu une sunna confirmée pour les musulmans après l'institution du jeûne de Ramadan, du mois de Ramadan, comme une obligation. Et cela est resté en vigueur pour eux. Dans ces dernières années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'habitude de ne pas jeûner le jour de Ashura seul, mais de le combiner avec un autre jour pour se différencier des pratiques des gens du livre. Pour preuve, ce qu'a rapporté notre maître Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, il a dit, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour de Ashura et a ordonné de le jeûner, les compagnons lui ont dit, ô messager d'Allah, c'est un jour vénéré par les juifs et les chrétiens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, si je vis l'année prochaine, nous jeûnerons également le 9e jour du mois de Muharram, bien sûr, si Allah le veut. Mais l'année suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda avant, rapporté par Muslim. Donc il n'a pas pu, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner le 9e jour. Et à partir de ce hadith, les ulama, ils ont dit aussi il est recommandé de jeûner le 9e jour pour se différencier des gens du livre. Et donc, les hadiths sur les jeûnes du jour de Ashura et les récits sur ses mérites sont très nombreux. De même, il est recommandé en ce jour béni d'être généreux envers la famille, ce qu'on appelle en arabe at-tawsi'a. Donc, il est recommandé d'être généreux envers la famille, les proches, les amis, en partageant les repas, les boissons et en offrant des vêtements ou tout autre bien que l'on peut se permettre, bien sûr. Selon Jabir ibn Abdullah, que Allah les agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait preuve de générosité envers sa famille le jour de Ashura, Allah lui accordera une largesse dans la subsistance tout au long de l'année. Et Jabir, que Allah l'agrée, a poursuivi, il a dit, a ajouté, nous avons mis cela en pratique et nous avons constaté que cela était vrai. Pas dans le sens que le compagnon, l'éminent compagnon Jabir ibn Abdullah, que Allah les agrée, avait un doute sur cela, mais pour confirmer. Pour dire voilà, on l'a pratiqué. Et notre cheikh Abul Fadl Ahmed Ibn Mansour Qurtan, que Allah Ta'ala le préserve, il a dit, je continue à voir les effets bénéfiques de la mise en pratique de ce hadith chaque année. C'est-à-dire notre cher, pareil, il confirme ce qui est rapporté dans ce hadith. Ce hadith, que celui qui fait preuve de générosité ou de largesse envers sa famille, pas spécialement la famille, les amis, etc., Allah Ta'ala lui accordera une largesse dans la subsistance toute l'année. Et nous demandons à Allah Ta'ala de maintenir ses bienfaits et de repousser les épreuves. Il est celui qui entend tout et qui répond aux sollicitations. Amin. Concernant ce hadith, parce que il y a beaucoup de critiques sur ce hadith de At-Tawsi'a, Sayyidi Ahmad Ibn Sadiq al-Rumani, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Justement, il a écrit un épître sur ce hadith. Donc, il a dit dans son ouvrage qu'il a intitulé Hidayatu s-Sughra bi jawazi at-tawsi'a 'ala al-'iyal fi yawmi 'Ashura. Justement, dans cet épître, il a parlé premièrement sur ce hadith du point de vue sens du hadith, que ce hadith il est confirmé, on va le voir. Et puis il a donné des explications. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce hadith est rigoureux selon les conditions de musulmans. Premièrement, il a dit ce hadith il est rigoureux selon les conditions de musulmans. C'est-à-dire ce hadith ne se trouve pas dans Sahih Muslim. Mais que signifie selon les conditions des musulmans? On l'a déjà vu dans les cours de Al-Mustalah, pour ceux qui ont assisté au cours du commentaire de Al-Bayrouni, et je l'ai répété plusieurs fois dans les cours. Quand on dit un hadith est selon les conditions des musulmans, ça veut dire que ce hadith, c'est-à-dire les hommes de la chaîne de ce hadith, ce sont les hommes de l'imam musulman dans son sahih qui l'a mentionné dans son sahih. Quand on dit ce hadith et selon les conditions de musulman, ça veut dire que ce hadith il a été rapporté par des hommes qui se trouvent dans sahih musulman. Et justement, ce hadith fait partie de cela. C'est pour ça que Sayyidi Ahmad il a dit ce hadith est rigoureux. Rigoureux, c'est normal, il est sahih. Puisque les hommes de sa chaîne sont les hommes de musulmans. Et pareil, quand on dit ce hadith est selon les conditions de Al-Bukhari, c'est la même chose. C'est-à-dire les hommes de ce hadith sont les hommes de Sahih Al-Bukhari. Et il arrive que certains savants ils disent ce hadith est selon les conditions de musulmans et Al-Bukhari. C'est-à-dire que ce hadith, les hommes de ce hadith sont mélangés. Certains sont dans Sahih Muslim et d'autres dans Sahih Al-Bukhari. Donc, je reviens à la parole de Sayyidi Ahmed, Ibn Sadiq al-Rubari, le Hafid. Il a dit ce hadith est rigoureux selon les conditions de musulmans. Et puis, il a mentionné les savants qui l'ont rapporté. Il a dit il a été rapporté par Ibn Abd al-Barr. Vous savez, c'est qui Ibn Abd al-Barr? Un des grands spécialistes des hadiths. Et d'ailleurs, il est nommé le Hafid du Maghreb, c'est un Andalou. Donc, il a été rapporté par Ibn Abd al-Barr dans Al-Istidkar. Al-Istidkar, c'est le commentaire de Al-Muwatta. Par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Par Ishaq ibn Rahawayh dans le Musnad. À travers la chaîne de Abu Sa'id al-Khudri. Il a été rapporté aussi par Ibn Adi dans Al-Du'afa ou Al-Matrukin, à travers la chaîne de transmission d'Abu Huraira. Il a aussi été rapporté par Al-Tabarani à travers la chaîne de transmission de Abdullah ibn Mas'ud. Et aussi, il a été rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Ar-Ruwat al-Malik, à travers la chaîne de transmission de Abdullah ibn Umar, dans les agrès. Il a été aussi rapporté par Al-Hakim al-Tirmidhi, l'imam Tirmidhi. On l'appelle Al-Hakim al-Tirmidhi. Dans Nawadir al-Usul, et aussi par Al-Samarqandi, dans Tanbih al-Ghafilin, par Al-Bayhaqi, dans Al-Sunan, à travers la chaîne de transmission de Ibrahim ibn al-Muntashir et aussi par Ibn Abd al-Barr, l'a également rapporté à travers la chaîne de transmission de Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée. Et donc, là, la chaîne de transmission de Ibn Abd al-Barr, donc il a dit qu'il l'a transmis. Il a rapporté plutôt à travers la chaîne de transmission de Omar ibn Khattab. Et dans la chaîne de transmission, il y a Saïd ibn al-Musayyib. C'est-à-dire Saïd ibn al-Musayyib, l'éminent successeur, il a rapporté ce hadith d'après Omar ibn Khattab. Et Sayyidi Ahmad, il a dit, bien qu'il ait vu Omar ibn Khattab et entendu de lui, il était très jeune à l'époque. Saïd ibn Musayyib, c'est un successeur, c'est-à-dire il a pris des compagnons, certains compagnons. Mais à l'époque de notre maître Omar ibn Khattab, il était très très jeune. Mais il s'est singularisé. Comme il a décédé Ahmad, Saïd ibn Musayyib était la personne la plus compétente pour rapporter les affaires qui concernent Omar ibn Khattab et ses hadiths. Il a rapporté plein de hadiths de notre maître Omar ibn Khattab, alors que à son époque, il était très jeune. Et ce qui lui a valu le surnom de transmetteur des hadiths de Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Ainsi, il existe plusieurs chaînes de transmission fiables pour ce hadith. Parmi lesquelles, ça c'est la suite, la parole de Sayyidi Ahmad ibn Siddiq al-Rumari, hein, concernant le hadith de At-Tawsi'a. Donc il a dit, il existe plusieurs chaînes de transmission fiables pour ce hadith, parmi lesquelles certains sont marfou, élevés. C'est-à-dire leur chaîne remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines chaînes sont mursal. On a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire mursal, renvoyé. C'est-à-dire que c'est lorsque le successeur il rapporte un hadith directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça un hadith mursal. Donc, ce hadith de Tawsi'a, de Ashura, donc certaines chaînes sont marfoua élevées, certaines chaînes sont mursal et d'autres sont daif, fragiles. Et d'autres chaînes, comme l'a dit Sayyidi Ahmed ibn Sadir al-Ghumari, sont mawquf, lahum hukm al-rafa. C'est-à-dire des chaînes de transmission mawquf qui s'arrêtent aux compagnons, mais qui ont le jugement de hadith élevé. Vous savez, on l'a déjà vu dans la terminologie du hadith, lorsqu'un hadith s'arrête au compagnon, c'est-à-dire c'est le compagnon qui dit, tel compagnon a dit telle chose. Donc, il ne remonte pas jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça un hadith mawquf, arrêté, mawquf. Mais dans le hadith mawquf arrêté, il y a deux catégories. Il y a un hadith mawquf arrêté, c'est la parole du compagnon. Et la deuxième catégorie, un hadith mawquf, mais il a le jugement d'un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que le compagnon ne l'a pas attribué au prophète. Comment on fait? Comment on le sait? Lorsque le compagnon dit quelque chose et c'est une chose qui découle d'un ijtihad, d'un effort de déduction, on va dire que c'est un hadith arrêté. C'est son avis, c'est la parole du compagnon. Par contre, lorsque le compagnon parle d'une chose qu'on ne connaît que par la révélation, par exemple, il rapporte quelque chose de l'au-delà, ou une loi, malgré que ce hadith s'arrête au compagnon, et on dit que ce hadith il est arrêté, mawquf, bien sûr, il est arrêté parce qu'il s'arrête au compagnon, mais il a le jugement d'être un hadith élevé, c'est-à-dire qu'il remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que le compagnon ne l'a pas remonté jusqu'au prophète. On appelle ça mawquf, lahu hukm al-rafa, arrêté qui a le jugement du hadith élevé. Et Sayyidi Ahmad aussi, il a dit, il y a d'autres chaînes qui sont hasan, appréciables. Donc là, il y a plusieurs chaînes de transmission concernant le hadith de At-Tawsi'a. C'est-à-dire que la personne qui est généreuse ce jour-là, Allah Ta'ala lui accordera une largesse dans la subsistance toute l'année. Parce que beaucoup de savants l'ont critiqué, ce hadith. Ils le considèrent comme un hadith fragile. Mais là, Sidi Ahmed, il a conclu, il a dit, le hadith, il est célèbre, il est mashhour. Mashhour, ça veut dire que il a été rapporté par plusieurs compagnons, au moins trois, trois ou plus. Comme on l'a vu dans le Mustalah, le mashhour, c'est le hadith qui est rapporté par au moins trois compagnons et plus. Au moins trois compagnons. Donc on dit que ce hadith, il est mashhour, il est célèbre. Donc le hadith, il est célèbre, mashhour, selon les critères terminologiques. Et regardez ce qu'il a ajouté, il a dit, est plus fort que beaucoup de hadiths rapportés dans les sahihs. Il a dit, cela peut être affirmé sans aucune hésitation. Fin de citation de la parole de Sayyidi Ahmad ibn Siddiq al-Rumari. Il a dit, ce hadith, il est célèbre, bien sûr. Il a dit, il peut être plus fort que certains hadiths qui se trouvent dans le Bukhari et Muslim. Célèbre, c'est-à-dire il a plusieurs chaînes de transmission. Alors que il y a certains hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim, ils sont gharib, ils sont rapportés par une seule chaîne ou par deux chaînes. Mais celui-là, ce hadith de At-Tawsi'a, il est mashour, célèbre. Après, Ibn Rajab al-Hanbali, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, décédé en l'an 795 de l'Égypte, a rapporté dans son livre Lata'iful Ma'arif fi mawasim al-'ami min al-wadha'if. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, qui est un grand spécialiste du hadith? Donc il a rapporté, il a dit, Ibn Mansour a dit, j'ai demandé à Ahmad ibn Hanbal, as-tu entendu parler du hadith, celui qui fait preuve de générosité envers sa famille le jour de Ashura, Allah lui accordera une largesse dans la subsistance tout au long de l'année? Il a répondu oui. L'imam Ahmad. Il y a une question, le frère il a dit, Mashour au moins trois compagnons ou au minimum trois rapporteurs à chaque échelon de la chaîne. Non. Al-Mashour, on considère le bout de la chaîne. D'accord? Le bout de la chaîne, c'est qui? C'est le compagnon. Si on parle d'un hadith élevé, bien sûr, marfoua. Donc, le bout de la chaîne. Il faut qu'il y ait minimum trois compagnons différents. Parce que si le hadith est rapporté par un seul compagnon, et puis à partir de ce compagnon, il y a 3, 4, 5, 10, même 30 rapporteurs, il n'est pas mashour. Donc mashour, il faut regarder tout le temps le bout de la chaîne. Que ce soit mutawatir, notoire, ou mashour ou autre. On regarde toujours le bout de la chaîne. Le bout de la chaîne, c'est-à-dire le compagnon. Il faut qu'il y ait trois, au moins trois compagnons différents qui rapportent ce hadith. Parce que si le hadith est rapporté par un seul compagnon, il est gharib. Et puis, si à partir de compagnon, ce compagnon, il y a trois personnes qui le rapportent au plus, puis on peut dire il est mashour à partir de des successeurs ou tel niveau. Mais nous, on regarde le bout de la chaîne. Et ensuite, après les trois compagnons, s'il y en a deux qui rapportent. Non, il n'est pas mashour. Si deux compagnons rapportent, il n'est pas mashour le hadith. Le mashour, il faut regarder les nombres de voix, les ulama, les spécialistes du hadith, lorsqu'ils font la différence, ils classent le hadith selon le nombre de voix. Ah, vous savez, on l'a déjà vu. Ils le classent en deux catégories, notoire et ahad. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que tu as trouvé comme terme pour l'ahad. Je ne me rappelle plus le hadj. En tous les cas, notoire et non notoire. Hein? Notoire, selon beaucoup de spécialistes, parmi eux Al-Suyuti, c'est à partir de 10 chaînes de transmission. Quand on dit 10 chaînes, c'est-à-dire 10 compagnons. D'accord? 10 compagnons, on appelle ça notoire. Ceux qui ne sont pas notoires, ils sont ahad. Et l'ahad, aussi, il y a plusieurs catégories. Il y a gharib, rapporté par un seul compagnon. Restreint, voilà, barakallahu fik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Après, vous avez des hadiths qui sont rapportés par un seul compagnon, gharib, par deux compagnons, et trois et plus. On appelle ça, tout ça, des hadiths ahad, comme il a dit le hadith restreint. D'accord? Donc, les ulama donnent cette classification à partir du bout de la chaîne. Parce que si un hadith est rapporté par un seul compagnon, comme le hadith de Innamal a'malu binniyat, les actes sont considérés selon les intentions. Ce hadith, il est gharib. Il est gharib sur quatre niveaux. Le compagnon, le successeur du successeur et les successeurs du successeur du successeur. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a rapporté. À partir du quatrième niveau, il y a plus de 10 personnes qui l'ont rapporté. On peut dire qu'il est notoire à partir de ce niveau-là. Mais le hadith, il a comme caractéristique gharib. D'accord? Donc ici, mashour, quand on est mashour, au moins trois compagnons différents. Au moins trois et plus. Bien sûr, il n'atteint pas le degré de notoire, sinon on aurait dit qu'il est notoire. D'accord, bout de la chaîne, à trois rapporteurs. Mais ensuite, on trouve deux successeurs dont il est mashour. Le bout de la chaîne a trois rapporteurs, mais si ensuite on trouve deux successeurs qui ont dit qu'il est mashour. Je n'ai pas compris le hadith. Donc, le bout de la chaîne a trois compagnons. Mais si ensuite on trouve deux successeurs qui disent qu'il est mashour. Deux successeurs qui disent qu'il est mashour. C'est-à-dire les trois compagnons qui ont rapporté le hadith, dans leur chaîne, il y a deux successeurs. Ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans les trois chaînes, par exemple, il y a des successeurs qui reviennent. Après les trois compagnons, on trouve plus que deux. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Donc il y a trois compagnons, mais dans les chaînes de transmission, par exemple, successeur, on trouve dans les trois chaînes, il y a uniquement deux successeurs. C'est-à-dire, par exemple, un successeur, il a rapporté une chaîne, et un autre, il a rapporté les deux autres chaînes. À partir du moment où il y a trois compagnons qui le rapportent, il est mashour quand même. D'accord? On dit qu'il est mashour. C'est le bout de la chaîne. On considère le bout de la chaîne. On considère le bout de la chaîne. On continue, inshallah. Donc, ce hadith, comme il a décidé Ahmad, il est mashour, donc il est fort. Pourquoi il est fort? Parce qu'il y a une voix qui vient fortifier notre voix, qui vient fortifier encore une autre voix, et peut-être plus. Donc ici, on était en train de rapporter la parole d'Ibn Rajab al-Hanbali. Il rapporte de Ibn Mansour la question qui a été posée à l'imam Ahmad sur ce hadith. Donc, l'imam Ahmad, il a confirmé, oui, j'ai entendu parler de ce hadith. Il a dit, cela a été rapporté de Sufyan ibn Uyayna, de Ja'far al-Ahmar, de Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir, qui était l'un des meilleurs hommes de son époque. Et là, c'est la parole de l'imam Ahmad. Ce n'est pas négligeable. L'imam Ahmad, il est considéré comme un des grands spécialistes de la science du hadith. C'est un des grands hoffards de cette communauté. Donc, il a continué, il a dit, toujours Ibn Rajab al-Hanbali, il lui a été rapporté que celui qui fait preuve de générosité envers sa famille le jour de Ashura, Allah lui accordera une largesse dans la subsistance tout au long de l'année. Ibn Uyayna a dit, nous l'avons expérimenté depuis 50 ou 60 ans. Et nous n'avons vu que du bien. Fin de citation. Voilà la parole d'Ibn Rajab al-Hanbali. Pourquoi notre cheikh il rapporte ces paroles? Parce que je vous ai dit, ce hadith, il a été critiqué par plusieurs. Hein. Le hadith de At-Tawsi'a. Certains ne le prennent pas en considération. Que ce soit parmi Ahl-Sunnah ou parmi les Shia. Hein. Surtout une partie des Shia, on va dire. Une partie des Shia ne le prennent pas en considération, ce hadith. Pour des causes qu'on va mentionner tout à l'heure, Inch'Allah. Et puis notre cheikh, il a rapporté un poème. Donc, ça fait un moment que je travaille sur la traduction de l'épître de notre cheikh. Bien sûr, il y a des choses à revoir. Hein. Donc, ça, c'est une, on va dire, c'est un brouillon, c'est une première traduction. Après, Inch'Allah Ta'ala, je passerai le texte à des personnes pour donner leur avis, pour corriger ce qu'il faut corriger. Donc là, notre cheikh, il a dit que c'est magnifique ce que l'imam Suyuti a rapporté du savant al-Maghribi de l'imam Abdul Malik ibn Habib al-Maliki. Qui a dit? C'est un poème. Donc, le poème, qu'est-ce qu'il dit? N'oublie pas que le tout miséricordieux ne te fait pas oublier à Ashura. Et mentionne-le, tu seras alors compté parmi les meilleurs. Le messager a dit, enveloppé par la bénédiction de Allah, une parole par laquelle on trouve la vérité et la lumière. Quiconque veille pendant la nuit de Ashura dans une attitude de générosité, sa vie sera dans une largesse toute une année. Sois volontiers, je te conjure, dans ce qui nous a recommandé, le meilleur de la création parmi les vivants et les morts. Fin de citation. Après avoir parlé des deux hadiths importants de cet épître, qui est le hadith du jeûne de Ashura, et le deuxième hadith important, le hadith de At-Tawsi'a, que la personne soit généreuse ce jour, et Allah Ta'ala lui accorde la largesse dans la subsistance toute l'année. Ça, c'est, on va dire, c'est les deux points importants de cet épître. Parce que cet épître, elle a été construit sur ces deux hadiths. Après, là, on va passer à un sujet très, très important. Et là, écoutez bien. Parce que ça, c'est des arguments qui sont vraiment à savoir. Hein. C'est des arguments que l'étudiant, on va dire, doit savoir pour répondre à certaines interrogations. Donc, notre cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? Cependant, il n'y a pas de base religieuse. Regardez bien. Il n'y a pas de base religieuse pour prendre ce jour béni comme une occasion de deuil en raison du martyre de notre maître, l'imam al-Hussein ibn Ali, alayhim as-salam. Car ni notre Seigneur, ni Allah Ta'ala, ni le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont ordonné de prendre les jours de martyre de nos prophètes comme des occasions de deuil. Et notre cheikh, il a ajouté, les questions religieuses doit être établi par le Coran et la Sunna. Ça, tout le monde le sait. Et ne doivent pas être basés sur des émotions. Aussi puissant soit notre amour pour la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est une croyance pour nous. Yani aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la religion musulmane. Donc, nous, on ne se base pas sur l'émotion. Parce que là, on va parler d'un événement tragique, d'un événement horrible qui s'est déroulé ce jour, le jour de Ashura. Donc là, notre cheikh, il dit, ni Allah Ta'ala n'a décrété cela dans le Coran, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna prophétique n'a dit que lorsque il y a une personnalité importante, donc il a commencé notre cheikh par mentionner les prophètes qui sont les meilleurs. Yani, Allah ne nous a pas ordonné de prendre le jour où ils sont assassinés comme un jour de deuil ou le jour de leur mort. Il est rapporté dans un hadith célèbre que l'ange Jibril, alayhi salam, a informé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de la mort du maître des jeunes des habitants du paradis, Al-Hussein, alayhi salam. Et il lui a montré l'endroit où il sera tué. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était très attristé par cette nouvelle. Abdullah ibn Najih al-Hadrami rapporte de son père: je marchais avec Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Bon, là, on ne va pas répéter quand on dit Ali, alayhi salam, Fatima Zahra, alayhi salam, Al-Hassan Hussein, alayhi salam. Quand tu dis ça, il y a des gens par ignorance qui disent oui, t'es un chiite. Ça n'a rien à voir avec le chiisme. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on dit alayhi salam qu'on est forcément chiite. Alayhi salam, c'est une parole que les savants de Ahlus Sunna wal Jama'a, ils avaient l'habitude de dire. Hein? Comme Al-Bukhari dans son Sahih. Regardez dans Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, lorsqu'il a mentionné les mérites des compagnons, il a dit à Ali ibn Abi Talib, oui, à Rawafid, barakallahu fik, exactement. J'ai dit chiite, c'est vrai, j'ai dit chiite parce que je parle de notre époque, mais c'est bien de préciser. Donc Al-Bukhari, dans son Sahih, a mentionné le Mahdi, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Il a dit Fatima Zahra, alayhi salam. Al-Hassan al-Hussein, alayhi salam. Et même l'imam al-Tahawi, lorsqu'il mentionne l'imam Ali, il dit alayhi salam. Donc cette parole n'est pas réservée, comme on dit, ce qu'on appelle à notre époque les chiites, pas tous, mais une grande partie, ce qu'on appelle Ar-Rawafid. Ar-Rawafid, yani, c'est qui Ar-Rawafid? C'est des personnes qui insultent notre maître Abu Bakr, notre maître Omar et leurs filles respectives. C'est-à-dire ils insultent notre maître Abu Bakr, ils insultent notre maître Omar, ils insultent la fille de Abu Bakr. Et Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils insultent la fille de Omar, qui est l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa. On appelle ça Ar-Rawafid. Et bon, on a déjà mentionné pourquoi on les appelle Ar-Rawafid. Cette parole a été attribuée à l'imam Zayd. Zayd ibn Ali Zayn al-Abidin, alayhi salam. Lorsqu'ils ont demandé de ne pas reconnaître les deux premiers califes. Il a refusé. Il l'a abandonné. Il a dit Rafattumuni. Il m'avait refusé. Rafd, ce qu'on appelle Rafd. Bon, bref. Cette parole, alayhi salam, n'est pas réservée à ce qu'on appelle à notre époque les Shia. En vérité, c'est Ar-Rawafid. Leur qualificatif, c'est Ar-Rawafid. Parce que le mot Shia veut dire partisan. Lorsqu'il y a eu la guerre entre l'imam Ali, alayhi salam, et Muawiya et son armée, les partisans de Ali, on les appelle Ash-Shi'a. Bon, ce n'est pas le but du cours, Inch'Allah, une autre fois, on peut lire et expliquer l'épître de notre cheikh, il a écrit un épître sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Shi'a dans la langue et chez Ahlus Sunnah wal Jama'a. D'accord? Al-Nasa'i, l'imam Al-Nasa'i, qui est une référence de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Al-Dhahabi, il a dit, lui, fihi tashayyu'. C'est quelqu'un qui était partisan de l'imam Ali. Voilà. On va revenir au hadith. Donc, Le hadith de Abdullah ibn Najih al-Hadrami rapporte de son père, il a dit, je marchais avec Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui était accompagné de sa mule. Sa mule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a laissé. Il s'appelle Duldul. Quand nous avons atteint le rivage de l'Euphrate et nous dirigeons vers Sakin, il y a une bataille là-bas, Ali a alors crié, soyez patient, ô Abu Abdillah, qui est le surnom de Al-Hussein, sur les rives de l'Euphrate. Je demandais, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô commandeur des croyants? Pourquoi tes yeux sont-ils en larmes? Il a répondu, j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, et ses yeux débordaient de larmes. Je lui demandais, ô prophète de Allah, est-ce que quelqu'un t'a hérité? Pourquoi tes yeux débordent-ils de larmes? Il a répondu, non, mais Jibril est venu à moi et m'a informé que Al-Hussein sera tué près des rives de l'Euphrate. Puis il a dit, voulez-vous que je vous montre un peu de sa terre? J'ai dit oui. Il a tendu sa main et m'a donné une poignée de terre. Et mes yeux n'ont cessé de pleurer. Ce hadith a été rapporté par Ahmad, Abu Ya'la, Al-Mansili, Al-Bazzar dans leur Musnad, Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf, Al-Tabarani dans Al-Kabir, Al-Diya Al-Maqdisi dans Al-Mukhtara, Al-Ajurri dans Al-Sharia, et Ibn Abi Asim Al-Ahad wal-Mathani. Et notre cheikh, il a rapporté plusieurs chaînes de transmission sur ce hadith. Vous allez voir, on va mentionner quelques hadiths. Il y a quelqu'un qui a oublié son micro. Lorsque Jibril alayhi salam, une fois l'ange qui s'occupe de la pluie, il lui a montré l'endroit exact où il s'est tué Al-Hussein alayhi salam. Il lui a même donné de la terre de cet endroit-là. Anas ibn Malik a rapporté l'ange chargé de la pluie. Ça, c'est une autre chaîne, parce que la chaîne tout à l'heure qu'on a mentionnée, c'est l'ange Jibril alayhi salam, parce que cet événement il s'est passé en plusieurs fois. Donc, l'ange chargé de la pluie a demandé la permission de rendre visite au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui a accordé la permission. C'était le jour où Umm Salama était présente, c'est-à-dire c'était le tour de Umm Salama. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, empêche quiconque d'entrer, préserve la porte pour nous, que personne ne vienne. Il a dit à Umm Salama, donc ne laisse personne entrer parce que bon, il était occupé dans la pièce parce qu'il a l'ange qui s'occupe de la pluie lui a rendu visite. Pendant qu'elle était à la porte, Al-Hussein ibn Ali alayhi salam est arrivé et a gratté la porte. Il a ensuite forcé l'entrée et est entré. Et a commencé à sauter sur le dos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a commencé à le couvrir de son manteau et à l'embrasser. Donc l'ange qui s'occupe de la pluie lui a dit, l'aimes-tu? Il a répondu oui. L'ange a dit, sache que ta communauté le tuera. Si tu le souhaites, je peux te montrer l'endroit où il sera tué. Il a répondu oui. L'ange prit une poignée de terre de l'endroit où il sera, où il serait tué, et il la lui montra. Il ramena de la terre rouge, comme Umm Salama prit et plaça dans son vêtement. Thabit a dit, nous disions alors que c'était Karbala. Ce récit est rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, par Ahmed dans son Musnad, Abu Ya'la al-Mansili, al-Bazzar, al-Tabarani dans al-Kabir et al-Awsat, al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa et Abu Nu'aym dans Ma'rifatu al-Sahaba. Donc, on va voir selon les autres narrations, celui qui a conservé cette terre, c'est Umm Salama, elle l'a conservée, elle l'a mise dans un endroit. Une autre chaîne de transmission, Abu Umama rapporta, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ne pleurez pas pour ce jeune garçon, faisant référence à Al-Hussein. C'était le jour où Umm Salama était présente. L'ange Jibril descendit et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entra à l'intérieur. Il dit à Umm Salama, ne laisse personne entrer. Puis Al-Hussein, alayhi salam, arriva et envoya le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur de la maison. Il voulut entrer. Umm Salama le retint. Il étreignit, c'est-à-dire elle a empêché de pénétrer parce que le prophète, il a dit, ne laisse personne rentrer. Le réconfortant et le rassurant. Elle a tout essayé, allez pour le. Parce que coûte que coûte, il voulait pénétrer dans la pièce. Mais lorsque les pleurs s'intensifièrent, Al-Hussein ne faisait que pleurer, elle le laissa tranquille. Al-Hussein entra alors. Il s'assit sur les genoux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jibril dit, ta communauté tuera ton fils. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda, vont-ils le tuer alors qu'ils croient en moi? Jibril répondit, oui, ils le tueront. Puis Jibril prit une poignée de terre de l'endroit où il sera tué exactement. Il dit, ils le tueront dans cet endroit. Ils tueront dans cet endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit, tenant Al-Hussein, qui était triste et préoccupé. Umm Salama pensa qu'il était en colère contre elle d'avoir laissé entrer l'enfant. Et quand on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir de la pièce avec Al-Hussein, il était triste, elle a vu ça sur son visage. Elle pensait que voilà, parce qu'elle a empêché de pénétrer, parce que le prophète lui a dit, ne laisse personne entrer dans la pièce. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ô prophète de Allah, que je sois ton sacrifice. Tu nous as dit de ne pas pleurer ce garçon, faire pleurer ce garçon. Et tu m'as ordonné, allez, le prophète l'a dit, ne le laissez pas pleurer. S'il pleure, essaye de le calmer. Et tu m'as ordonné de ne laisser personne entrer, mais il est venu et je l'ai laissé seul. Tu ne m'as pas répondu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit ensuite auprès de ses compagnons qui étaient assis. Il a dit, ma communauté tuera cet enfant. Et parmi les personnes présentes, il y avait Abu Bakr, Omar, et d'autres compagnons les plus courageux parmi eux. Ils dirent, ô messager de Allah, tueront-ils alors qu'ils sont croyants en toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui. Et ceci est la terre de l'endroit où cela arrivera. Ce hadith est rapporté par At-Tabarani dans Al-Kabir. Une autre chaîne de transmission, d'après Abdullah ibn Wahb, Ibn Zam'a rapporte de Umm Salama, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est allongé une nuit pour dormir, puis s'est réveillé troublé. Il se recoucha et s'endormit, puis se réveilla à nouveau perplexe, mais comme la première fois. Ensuite, il s'allongea et se réveilla en tenant une terre rouge qu'il tournait entre ses mains. Umm Salama demanda, qu'est-ce que cette terre au messager d'Allah? Il répondit, Jibril m'a informé que c'est là où Hussein sera tué en terre d'Irak. Je demandais à Jibril de me montrer la terre de l'endroit où il sera tué. Et c'est cette terre. Ce hadith est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Puis il a dit, ce hadith est rigoureux selon les critères des deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim. Mais ils ne l'ont pas inclus dans le recueil. Notre cheikh, il a rapporté en tout. Je ne vais pas vous lire toutes les chaînes de transmission. En tout, 11 chaînes de transmission. Mais le hadith n'est pas notoire. Hein. Il a transmis 11 chaînes de transmission. On va pas toutes les mentionner. Ceci est un certain nombre de hadiths qui ont atteint le degré de célèbre. Malgré que notre cheikh il a rapporté 11 chaînes de transmission, mais le bout de 11 chaînes, il n'y a pas 11 compagnons différents. C'est pour ça que le hadith n'est pas notoire. Si c'était 11 chaînes avec 11 compagnons différents, on va dire que ce hadith il est notoire. Mais les 11 chaînes que notre cheikh il a rapportées ne remontent pas jusqu'à 11 compagnons. Moins que 10. C'est pour ça que notre cheikh il a dit le hadith, il a atteint le degré, on peut dire qu'il a les caractéristiques de célèbre mashhour, du point de vue de la terminologie du hadith. Ce ne sont pas des incidents isolés. Mais ça veut dire que cet événement ne s'est pas passé une seule fois, comme on l'a dit, parce qu'une fois c'est l'ange Jibril, même plusieurs fois, et une fois c'est l'ange qui s'occupe de la pluie. Mais ils se sont produits à plusieurs reprises devant Ummu Salama et Aïcha, que Allah les agrée, ainsi qu'en présence d'Abu Bakr et Omar. Et ont été rapportés aussi par Ummul Fadl, Ummu Salama et d'autres. Malgré toute cette grande attention et tristesse envers le maître des jeunes du paradis, l'imam Al-Hussein, avant son martyre tragique, s'il y avait une règle, écoutez bien, s'il y avait une règle interdisant le jeûne de Ashura en raison de cette calamité qui fait grisonner les plus jeunes, Jibril alayhi salam l'aurait informé et cela aurait été considéré comme une abrogation conditionnée, selon les juristes. Vous connaissez une abrogation conditionnée, c'est-à-dire si une loi, elle s'abroge cette loi s'il y a une condition et qui est selon tel ou tel événement ou telle condition qui se réalise. Comme par exemple l'impôt qui est imposé, ou la somme d'argent qui est imposée aux gens du livre qui vivent dans les pays musulmans, cela ne se pratique plus. Mais à l'époque, lorsque dans un pays musulman, on l'a déjà vu dans Ar-Risala, si vous vous rappelez, lorsqu'il y a des gens du livre qui vivent, qui sont sous la protection du gouverneur musulman, il y a une impôt qui leur est imposée. Et donc cet impôt, elle sera levée par la descente de Issa alayhi salam. D'accord? Donc c'est une abrogation conditionnée. C'est-à-dire la loi, cet impôt envers les gens du livre, cet impôt sera levé, ce hukm il sera levé, ce jugement sera levé lorsque Issa alayhi salam il descendra sur terre. Donc concernant l'assassinat de notre maître Al-Hussein, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant, Jibril alayhi sallam l'a informé, l'ange qui s'occupe de la pluie l'a informé. Donc, l'ange Jibril lui a pas dit, oui, le jeûne de Ashura est conditionné par la mort de Al-Hussein. C'est-à-dire que si Al-Hussein meurt, à partir de ce moment-là, ce n'est plus sunnah de jeûner et ce n'est plus recommandé d'être généreux ce jour. Donc, cependant, rien de tel ne s'est produit. Et ainsi, regardez, ça c'est des règles de l'usul. Hein. Le principe de base reste inchangé tant que son contraire n'est pas établi. Ah, vous connaissez cette règle. Le principe de base reste inchangé. Le hukm il reste tel qu'il est. Donc, il n'y a pas une autre loi qui vient dire oui, le hukm il va changer. Donc, le principe de base reste inchangé tant que son contraire n'est pas établi, en vertu du principe de la continuité du jugement originel, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est une règle très, très importante que l'étudiant doit connaître. le principe de la continuité du jugement originel jusqu'à la preuve du contraire. Ça, c'est, on peut l'appliquer tout le temps. Donc, il y a un jugement. Ce jugement reste tel qu'il est, tant qu'il n'y a pas la preuve du contraire. Un musulman est un musulman. On le considère tel. On le considère comme musulman, jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à la certitude qu'il ne l'est pas. Par exemple. Donc là, ce qu'il dit notre cheikh, le principe de base reste inchangé. Yani, Ashura reste recommandé. Malgré que ce jour-là est arrivé un événement tragique, horrible. C'est un massacre. Et donc, notre cheikh, il dit, en vertu du principe de continuité du jugement originel, jusqu'à preuve du contraire. Ce qui est appelé l'immutabilité de l'état initial. Al-bara' al-asliya. Ce qu'on appelle en arabe l'immutabilité de l'état initial. Le jugement. Il y a un jugement qui a été émis sur une chose, il reste tel qu'il est. Quand est-ce que ce jugement change? Lorsqu'il y a une autre preuve qui vient, qui nous dit, ah, le jugement, à partir de tel événement, il change. Comme l'impôt imposé aux gens du livre. Donc cet impôt reste, il perdure, jusqu'à la descente de Isa alayhi salam. Lorsque Isa alayhi salam descend, ce jugement va changer. Donc cet impôt sera levé. Donc c'est une preuve importante pour ceux qui disent, oui, vous êtes. Vous jeûnez ce jour, vous êtes généreux le jour de Ashura, alors que ce jour-là fut assassiné Al-Hussein, un des meilleurs, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, on leur dit, il n'y a aucune règle qui abroge le fait que jeûner Ashura est sunnah et qu'il est recommandé d'être généreux ce jour-là. Donc nous, on ne se base pas sur les mentions, on se base sur les textes, sur le Coran et la Sunna. Dans notre cheikh, il a poursuivi, il a dit, de même, rejeter la générosité pendant ce jour, sous prétexte que celle-ci est une joie pour la mort de notre maître Al-Hussein, ainsi que pour sa famille, est une déviation, est une apostasie. Il veut dire par notre cheikh que celui qui est satisfait de la mort d'Al-Hussein, de la manière comme il a été tué, ceux qui l'ont assassiné, la personne qui a fait cela, c'est une personne égarée. Car celui qui se réjouit de la mort de notre maître Al-Hussein et sa famille ne peut pas être considéré comme un musulman. En réalité, jeûner Ashura et faire preuve de largesse ce jour était établi avant même le martyre de l'imam Al-Hussein et sa famille, qui est considérée comme la plus grande calamité et affliction qui a frappé les musulmans en ce jour béni. Ce jour-là, le jour de Ashura, cet événement, c'est important de l'enseigner et de le mentionner aussi. Parce que quand on entend les discours de certains chaïrs, de certains imams lorsqu'ils parlent du jour de Ashura, c'est bien, ils font un rappel sur le jeûne recommandé de Ashura, etc. Mais sur Al-Hussein, est-ce qu'il s'est passé? Rien du tout. Alors que c'est un événement vraiment important à savoir. Sachez que ce jour-là, la descendance de Al-Hussein a failli disparaître. Ils ont épargné dernière minute son fils Zainul Abidine. Il était jeune, il était malade. S'il l'aurait tué, il n'y aurait plus de descendance de Al-Hussein. C'était le dernier garçon épargné, parce qu'il était jeune, il était malade. Certains ont dit, laissez-le, ne le tuez pas, parce qu'il est malade, il est jeune, il est malade. Mais ils ont tué des bébés, ils ont tué plein, plein, plein, plein de personnalités éminentes dans cette communauté. Ils ont tué plein de fils à Ali ibn Abi Talib, qui étaient les demi-frères de Al-Hussein. Et je peux vous donner quelques noms. Exprès, je vous donne les noms. Vous allez voir les noms que notre maître Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, il a donné. Ils ont tué Abu Bakr, le fils de Ali ibn Abi Talib. Regardez comment il a appelé son fils, Abu Bakr. Ils ont tué Uthman, le fils de Ali ibn Abi Talib. Ce sont des demi-frères, hein, de Al-Hussein. Abu Bakr, bien entendu. Uthman, ils ont tué des enfants à Aqil, qui est le frère de l'imam Ali. Ils ont tué des bébés, des enfants en bas âge. Ils les ont assoiffés. Et ils ont commis un très grave crime, c'est de décapiter Al-Hussein, alayhi salam. En plus, ils ont capturé des filles de l'imam Ali, ils les ont pris comme un butin. Vous imaginez la scène? C'est vraiment tragique. Donc, cet événement, bien sûr, nous, on parle de Ashura, et on mentionne ces événements. Et ces événements, ce n'est pas une invention, ils sont mentionnés dans le livre d'histoire, dans le livre de Hadith aussi. Donc le cœur se brise de chagrin pour ce qui est arrivé à notre maître Hussein et sa famille lors de la tragédie de Karbala. Cet événement a ébranlé les fondements du monde par son effroi, par ce qui est arrivé aux créatures les plus pures de Allah à cette époque en ce lieu. Nous nous désavouons devant Allah Ta'ala de toute personne impliquée dans le meurtre, l'assentiment, l'ordre ou la satisfaction concernant cette noble descendance, sous quelque prétexte que ce soit. Sachez que ce qu'on appelle Ahlul Bayt, les proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en particulier Fatima Zahra, alayhi salam, Imam Ali, son époux, alayhi salam, Al-Hassan Hussein, alayhi salam, certains savants les considèrent comme les meilleurs après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. De la communauté, je parle. Ils disent c'est les meilleurs dans l'absolu. Meilleurs que notre maître Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, que notre maître Omar, qu'Allah l'agrée, et que les autres compagnons. Et ça, c'est l'avis de certains parmi Ahlus Sunna wal Jama'a. Parmi eux, l'imam Ahmed ibn Hanbal. Lorsque son fils Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal l'a questionné sur un tafdil. C'est qui le meilleur? Il a dit, oh mon père, c'est qui le meilleur? Il a dit Abou Bakr. Il a dit après, il a dit Omar. Il a dit, il est même Ali. Il a dit, oh mon fils, ceux-là font partie de Ahlul Bayt. Ils sont incomparables. On ne peut pas les comparer avec les autres. C'est les meilleurs. Allah Ta'ala les a purifiés dans le Coran par la ayah de At-Tathir. Ils ont un statut bien particulier. En effet, il doit être connu et cru que l'amour pour ses nobles maîtres, alayhimus salam, est plus grand qu'il ne peut être décrit. Car c'est un amour que Allah Ta'ala a ordonné dans le Coran. Allah nous a ordonné, c'est un devoir de les aimer. Et que notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissé comme testament en tout temps. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, je ne vous demande, ça c'est dans le Coran, ça c'est l'ayat du Coran. Dit, je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est l'affection due aux proches. Sourate Ash-Shura, parole 23. Saïd ibn Jubayr a dit, les proches du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de cette ayat du Coran, il parle des proches. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Muslim, Tirmidhi et d'autres, Zayd ibn Arqam a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je vous rappelle pour Allah à propos de ma famille. Et Zayd ibn Arqam, que Allah l'agrée, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous laisse avec deux choses. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Le livre de Allah et mes proches, les membres de ma famille, ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils viennent à moi au bassin. Voyez comment vous me laisserez en ce qui les concerne. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi et d'autres, et ce hadith, il est mutawatir, il est notoire. Il y a ce hadith, il a été transmis par deux versions. Dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous laisse deux choses. Ce qu'on appelle le hadith al-faqalain, les deux poids lourds. Dans une version qui est notoire, il est mentionné le Coran et ma famille. Il y a une deuxième version inventée, cette version, elle a été inventée, elle a été falsifiée. Ils disent le Coran et ma sunna. Ils ont effacé ma famille, ils l'ont remplacé par ma sunna. Et vous avez appris dans la terminologie du hadith, lorsque un fiable est contredit, celui qui est plus fiable que lui, ou un groupe de fiables, son hadith, il est chèvre, il est marginal. Ce hadith, il est chèvre, il est marginal. Le hadith qui a une considération, qui est notoire, c'est le hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous laisse deux choses, ou deux poids lourds, le Coran et ma famille. Il n'y a pas le Coran et ma sunna. Parce que la sunna, elle est comprise dans le Coran. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous laisse le Coran, c'est-à-dire la sunna, elle est comprise. Parce que Allah Ta'ala dans le Coran nous ordonne de suivre ce que le prophète nous apporte, c'est-à-dire la sunna. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le Coran et ma famille. Il est essentiel de souligner dans une telle occasion que lorsque l'adoration et la tristesse se réunissent en un seul moment, un endroit, il est juste que nous agissions comme nos maîtres, la famille du prophète, alayhi salam. Si nous sommes vraiment des gens de sincérité et de reconnaissance, alors bien que la tristesse de ce jour soit réelle et que la considération pour ce qui est arrivé à notre maître Hussein et sa famille soit un devoir, nier le jeûne en ce jour et la générosité qui l'accompagne ne sont pas les caractéristiques des gens de la perfection et de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des gens de perfection en tout temps et à chaque instant. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'objectif du hadith de la générosité est clair. Les choses ne doivent pas se mélanger pour que la distinction soit évidente. Et cette distinction réside dans le fait que nous jeûnons en ce jour béni, en exprimant notre joie pour la grâce de Allah, qui nous a commandé de montrer notre gratitude tout en observant tout ce qui est permis, malgré la tragédie immense qui a touché la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Ashura. Donc c'est une tragédie, malgré cette tragédie, mais nous suivons ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la pratique du prophète lui-même et sa famille eux-mêmes. Donc nous devons rappeler à nos enfants ce qui est arrivé à ces nobles et les devoirs religieux qui les incombent, ainsi que le jugement réservé à ceux qui leur ont fait du mal. En effet, le jeûne de ce jour béni est conforme aux différentes écoles de jurisprudence. Vous allez voir notre cher, il va rapporter la parole de différentes écoles, que ce soit des écoles sunnites ou des écoles chiites. Notre cher, il a dit dans la doctrine zaydite, dans l'école zaydite plutôt, dans l'école zaydite, zaydiya. Cette école, elle est attribuée à notre maître Zayd ibn Hussein, ibn Ali ibn Hussein. C'est le fils de Zayd, c'est le fils de Ali Zain al-Abidin, qui est le fils de Al-Hussein, alayhi salam. Il a une école qui s'appelle les Zaydides. Généralement, ils sont dans la région du Yémen. Donc, notre cheikh, il dit dans l'école Zaydite, il est rapporté que Al-Qasim, ça c'est des noms de savants qui font partie de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Al-Qasim, Al-Hassan et Muhammad, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le jour de Ashura est le 10e jour du mois de Muharram. Al-Qasim, alayhi salam, a affirmé qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet, que le jeûne de ce jour est une pratique appréciable et il est récompensé abondamment. Il n'y a pas de jeûne pour ceux qui le laissent, c'est-à-dire parce que ce n'est pas une obligation. Après, toujours dans l'école Zaydite, une parole d'un des imams de Ahlul Bayt, de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan, il a dit: donc, Al-Hassan, il a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait souvent ce jour. Donc, il rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait souvent ce jour, et il parle de Ashura. Muhammad aussi, c'est un des imams de Ahlul Bayt, il a dit qu'il nous est parvenu que l'imam Ali, alayhi salam, ordonnait à ses compagnons de jeûner ce jour. Et il a mentionné de nombreux mérites associés à cela. Et il est rapporté que ce jour, le repentir a été accepté pour le peuple de Younous. Ça, c'est rapporté de l'imam Ali, alayhi salam, qu'il recommandait à ses compagnons de jeûner à Ashura, contrairement à ce que dit beaucoup de parmi Ar-Rawafid. Ibn Abbas a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine et a trouvé les Juifs jeûnant le jour de Ashura. Il leur a demandé: qu'est-ce que cela? Ils ont répondu: c'est le jour où Allah a sauvé Moussa et noyé Pharaon, Moussa alayhi salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors dit: je suis plus proche de Moussa que vous. Et il a jeûné ce jour-là et a ordonné à ses compagnons de jeûner ce jour également. Certains pour dire que c'est faux, le jeûne de Ashura, ils disent: regardez, il est connu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine le 12 du mois de Rabi al-Awwal. Alors que Ashura, c'est le mois de Muharram. Comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive le 12 Rabi al-Awwal et il voit les Juifs jeûner le jour de Ashura alors que c'est Muharram? La réponse, elle est simple. La réponse est de dire que le hadith ne dit pas que lorsque le prophète est arrivé le 12 Rabi al-Awwal, ce jour-là, il a vu les Juifs jeûner à Ashura. Non, ça veut dire qu'il est arrivé à Médine le 12 Rabi al-Awwal. Et puis, lorsqu'il est resté à Médine, et lorsque est arrivé le mois de Muharram, il a vu les Juifs jeûner ce jour, tout simplement. Le hadith ne dit pas le jour même. Lorsqu'il est arrivé à Médine, le jour même, il a vu les Juifs jeûner ce jour. Non. Le hadith, il dit, lorsqu'il a immigré à Médine, il a vu les Juifs jeûner ce jour. C'est-à-dire, quand le mois de Muharram est arrivé, il a vu les Juifs jeûner ce jour. Et puis il a dit: nous sommes plus proches de Moussa que vous. Maintenant, dans l'école Hanafite, là, il y a un hadith. Dans l'école Hanafite, les Hanafites, ils ont un fiqh, on va dire spécial, parce qu'ils ont des règles propres à eux. Dans l'école Hanafite, il est rapporté de Ibrahim, d'après son père, d'après Hamid ibn Abdurrahman al-Himyari, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: regardez ce hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à un homme parmi les compagnons, le jour de Ashura: passe l'ordre à ta tribu de jeûner ce jour. L'homme répondit: ils ont mangé. Il a dit: même s'ils ont mangé. Ce hadith, il est rapporté dans le Musnad de Abu Hanifa. On peut faire plusieurs arrêts sur ce hadith, mais on n'a pas trop le temps. D'abord, le Musnad d'Abu Hanifa, ce n'est pas l'imam Abu Hanifa qui l'a écrit. Le Mousnad, c'est-à-dire un recueil dans lequel les savants ils ont rassemblé les hadiths rapportés par Abu Hanifa. Donc, sur le Mousnad d'Abu Hanifa, ce n'est pas Abu Hanifa qui l'a écrit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Abu Hanifa était un éminent faqih, un très grand parmi les grands savants de cette communauté. Mais il n'était pas versé dans la science du hadith. Il n'était pas très très fort dans la science du hadith. Deux. Troisième point, on va parler du fiqh de ce hadith, la compréhension de ce hadith. Chez les Hanafites, ici, donc ils rapportent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même s'ils ont mangé, ils jeûnent. Quelqu'un va poser la question, comment ça? Ils ont mangé et puis ils continuent à jeûner. Donc, ce hadith, mon cher, il m'a expliqué, il m'a dit, les Hanafites montrent l'importance de Ashura. Même si quelqu'un il a, il savait pas que c'était Ashura, par exemple, il a mangé, donc on lui ordonne de continuer de jeûner, de s'abstenir de ne pas manger. Et ça, c'est spécifique à l'école hanafite. D'accord? C'est spécifique à l'école hanafite. Normalement, celui qui a mangé, il ne peut pas continuer de jeûner. Mais mon cheikh, il m'a dit, ce hadith montre l'importance du jeûne de Ashura. Maintenant, dans l'école malikite. Il est rapporté de Yahya, d'après Malik, d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père, qui est Urwa ibn Zubayr, d'après Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a dit. Le jour de Ashura était un jour de jeûne observé par les gens de Quraysh, à l'époque de Al-Jahiliyyah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a jeûné ce jour. C'était à Mecca, avant l'immigration. Mais après que le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire, le jeûne de Ashura est devenu facultatif. Et chacun est libre de le jeûner ou de le laisser. Rapporté par Malik dans le Muwatta. L'école Shafi'ite. Dans l'école Shafi'ite, il est rapporté de Abdullah ibn Abi Fudayk, d'après ibn Abi Dhi'b, d'après Az-Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Elle a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait le jour de Ashura et ordonnait aux autres de le faire également. Ce hadith se trouve dans le Musnad de l'imam Al-Shafi'i. Dans l'école Hanbalite, Hushaym a dit, Ibn Abi Layla nous a informé, d'après Daoud Ibn Ali, d'après son père, d'après son grand-père Ibn Abbas, car là, les agrès, qui a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, jeûnez le jour de Ashura et différenciez-vous des Juifs. Jeûnez un jour avant et un jour après. Rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Maintenant, on a fini l'école des sunnites, on va passer aux écoles des chiites. Et dans le livre du jeûne, le Sayyidi Al-Khawi, Al-Khawi c'est un des grands imams de l'école l'Ithna Ashariya, qui était une référence pour les chiites. L'Ithna Ashariya, en français, j'ai trouvé le mot, ils disent duodécimains. Duodécimains. On les appelle les duodécimains. Les Ithna Ashariya, ceux qui croient aux 12 imams. Donc, Sayyid al-Khawi, qui était une référence pour les chiites du haut des Sima de son époque, est le chef de l'école religieuse de Najaf. Donc, il a été mentionné à propos du jeûne de Ashura. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Hada al-Khawi. Il a riposté contre des imams de son école, ceux qui refutent le jeûne de Ashura. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Donc, il est mentionné à propos du jeûne de Ashura que, quelle que soit la narration, elles ne sont pas toutes fiables, mais sont faibles dans leur ensemble. Nous n'avons pas de narration authentique sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour accuser ceux qui observent le jeûne de pratiquer la taqiyya, comme l'a fait l'auteur de Al-Hada'iq. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là, dans cette parole, il est en train de critiquer des savants de son école. Il dit, on n'a pas de chaîne fiable qui disent le contraire de la recommandation de Jenner Achour. Il a dit, on n'a pas de chaîne, on n'a pas de texte fiable sur lequel on peut se baser pour dire il n'est pas recommandé de Jenner Achour comme l'a fait des savants de cette école, l'Ithna Ashariya, ceux qui croient aux 12 imams. Lui, il est en train de riposter contre eux. Il a dit, on n'a aucune preuve qui dit le contraire. Donc pour lui, on dit, en jeune, regardez ce qu'il a ajouté. Il a dit, quand on a narration qui soutient et recommande le jeûne de ce jour, elles sont nombreuses, regardez ce qu'il dit. Alors que lui, il fait partie de l'école chiite, l'Ithna Ashariya. Il a dit, quand on a narration qui soutient et recommande le jeûne de ce jour, elles sont nombreuses. Comme celle de Sahihatu Al-Qadda, s'appelle comme ça. Un livre, il s'appelle Sahihatu Al-Qadda, dans lequel il a rapporté le jeûne du jour de Ashura expie les péchés d'une année, ainsi que celle de Mawthiqatu Mas'ada ibn Sadaqa, un autre livre aussi, dans lequel il rapporte. Il est recommandé de jeûner. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit jeûner le 9e et le 10e jour de Ashura, car cela expie les péchés d'une année et d'autres semblables. Donc là, Sayyid al-Khawi, qui est un de leurs imams, une des références de cette école, il est en train de riposter contre certains de son école qui refutent, qui disent qu'il n'est pas recommandé de jeûner Ashura. Pourquoi? Parce qu'il y a tel ou tel événement, Hussein a été assassiné, alayhi salam, et lui, il rapporte au contraire des preuves qu'il est recommandé de jeûner. Il a continué, il a dit, ceci est un encouragement à prendre en considération, en raison de la solidarité avec la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il est plus approprié de recommander le jeûne de ce jour comme indiqué dans Al-Jawahir, en prenant en compte ces textes saints, de ce qui les oppose, tels que vous les avez appris. Voilà. Donc, vous vous rapportez des chaînes fragiles, qui ne tiennent pas debout. Nous, on a des textes solides. Donc, prenez en considération les textes solides qui recommandent le jeûne de Ashura. Et non pas le contraire. Ça, c'est une des références des chiites, l'Ithna Ashari. Dans l'école Zahirite, Daoud al-Zahir, c'est notre école. Question. Il est également recommandé de jeûner le jour de Ashura, qui est le 9e jour, qui est plutôt le 10e jour de Muharram. Et si on jeûne un jour avant et un jour après, c'est appréciable également. De même, il est recommandé de jeûner le jour de Arafat. Voilà ce qu'ils disent, Vahiriya. Ils disent qu'il est recommandé de jeûner le jour de Arafat pour les pèlerins et les autres. Alors que dans notre école, nous, les Malikites, on dit qu'il est déconseillé pour les pèlerins de jeûner ce jour. Les Vahiriya disent non, non, la sunna, c'est pour tout le monde, que tu sois au pèlerinage ou non. Comme l'a rapporté Abdullah ibn Yusuf, d'après Ahmad ibn Fath, d'après Abdul Wahhab ibn Isa, d'après Ahmad ibn Muhammad, d'après Ahmad ibn Ali, d'après Muslim ibn al-Hajjaj, d'après Muhammad ibn al-Muthanna, d'après Muhammad ibn al-Ja'far, d'après Shu'bah, d'après Ghaylan ibn Jabir, qui a entendu Abdullah ibn Mas'ud Az-Zamani rapporter que le prophète, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur le jeûne du jour de Arafat. Il a répondu, il expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Il a également été interrogé sur le jeûne de Ashura. Il a répondu, il expie les péchés de l'année passée. Donc pour eux, ce hadith, il vient dans l'absolu. Jeûner à Arafat, que ce soit pour le pèlerin ou celui qui n'est pas au pèlerinage. Pour eux, c'est sunna pour tout le monde. Et aussi, il a rapporté une autre chaîne, c'est comment il s'appelle, Ibn Hazm al-Zahiri. Donc, il a rapporté la chaîne, donc, qui remonte jusqu'à Ibn Abbas, qui a été interrogé sur le jeûne de Ashura. Il a dit, lorsque tu vois le croissant du mois de Muharram, prépare-toi. Et jeûne le jour du neuvième. J'ai dit, est-ce que c'était ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait? Il a répondu, oui. Donc ça, c'est dans l'école Zahirite. Et cela ira, tout cela, toute l'école Zahirite, tout ce qu'on a mentionné maintenant, est rapporté dans le livre Al-Muhalla bil Athar de Ibn Hazm. C'est un des grands savants Zahirite. Et d'ailleurs, Ibn Hazm, malgré qu'il est Zahirite, mais il était mujtahid. Il était jurisconsulte. Il a atteint le degré de l'ijtihad. Et son ijtihad, il était conforme avec l'école de Daoud al-Zahir, qui était avant lui. Mais celui qui a répondu et celui qui a renforcé et fortifié l'école Zahirite, Ibn Hazm l'Andalou. Donc, le jeûne du jour de Ashura étant recommandé, il est sunna, ce n'est pas une obligation. Chacun est libre de jeûner s'il le souhaite, ou de rompre son jeûne sans perturber les autres. Voilà. Si tu veux le jeûner, tu le jeûnes. Si tu ne veux pas le jeûner, ne le jeûne pas. Ce n'est pas une obligation. Et donc là, on arrive à la fin. Donc, notre cheikh, il a dit, il m'a été demandé par certains de mes proches de leur délivrer une ijaza, une licence, concernant le hadith récurrent de Ashura. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le cheikh? Il a dit, je l'ai donc rapidement extrait pour eux, la chaîne de transmission, etc., craignant la survenue de la mort, bien que je ne sois pas un expert dans ce domaine. Cependant, leur demande m'a incité à le faire. J'ai nommé ce recueil, comme je vous ai dit, j'ai traduit Jani al-Bakura, du hadith Mousalsal Ashura. Je l'ai traduit en français. Donc, le titre, il est à discuter. Hein. Donc, j'ai traduit, j'ai nommé ce recueil, La récolte hâtive sur le hadith de Ashura récurrent et narratif. Voilà, pour faire un peu, on va dire, une sorte de rime. Donc, la récolte hâtive, Al-Bakura, c'est les premiers fruits qu'on récolte. Comme par exemple le figuier, il y a un type de figuier qui donne des fruits avant la saison. On appelle ça Bakura. Donc, la récolte hâtive. Et voilà, on a récolté pas beaucoup de choses sur le hadith de Ashura. Donc, on peut commenter, écrire un livre plus large. Mais bon, notre cheikh, il a récolté une première récolte sur ce hadith. C'est pour ça qu'il a intitulé La récolte hâtive sur le hadith de Ashura, récurrent, parce qu'il est récurrent, il est musalsal. C'est-à-dire, ce hadith, il est rapporté le jour de Ashura. Et narratif. Parce qu'il y a une narration, il y a une chaîne de transmission. Donc la récolte hâtive, c'est le hadith de Ashura récurrent et narratif. Et en espérant qu'Allah me récompensera et me réservera une belle rétribution. Donc je n'ai pas par cela fait une énumération exhaustive des maîtres et des chaînes de transmission. Mon objectif était de préserver la continuité de la chaîne de transmission et de faciliter le travail de compilation, tout en craignant de manquer l'occasion. Donc voilà, on arrive à la fin. Et donc ce hadith, malgré qu'on n'ait pas le jour de Ashura, donc ce hadith, vous l'avez, beaucoup d'entre vous l'ont entendu de moi et de notre cheikh et de moi aussi. Donc, ce hadith, je l'ai entendu plusieurs fois de mon cheikh, oralement. J'ai une transmission orale directement de mon cheikh. Le jour d'Ashura. Donc, je l'ai entendu auprès de mon cheikh Ahmed Ben Mansour Khortam. Lui, il a entendu auprès de son cheikh, le cheikh Mohamed Achad Naifar Al-Husseini. Et lui, il a entendu de son père, Qadi al-Quddat Mohamed Al-Sadiq Al-Naifar Al-Shadli. Et lui, il a entendu de Mohamed Al-Tayyib Al-Naifar Al-Shadli. Et lui, il a entendu de Cheikh Ibrahim Ibn Abd al-Qadir Ibn Ahmed Al-Riyah Al-Maliki. Et lui, il a entendu auprès de Cheikh Mohamed Al-Amir Al-Saghir Al-Maliki Al-Misri. Et lui, il a entendu auprès de son père, Mohamed Al-Amir Al-Kabir Al-Sindawi Al-Malik Al-Maghrib Al-Misri. Et lui, il a entendu auprès de Al-Hafid, Sayyidi Ali ibn Muhammad Al-Arabi Al-Saqqat Al-Maliki, Al-Shadli, Al-Maghrib Al-Fasi. Et lui, il a entendu auprès de Abu Hafs Omar, Ibn Abdi Salam, Lucas, Al-Maliki Al-Maghrib Al-Misri. Et lui, il a entendu auprès de Sayyidi Muhammad ibn Abd al-Rahman Al-Maghrib Al-Fasi. Et aussi, il a pris auprès de son cheikh, Abd Salam ibn Ibrahim, ibn Ibrahim al-Laqani al-Maliki al-Misri. Aussi, il a pris de son père, Ibrahim, ibn Hassan al-Laqani al-Maliki al-Misri. Et jusque-là, le hadith, il est récurrent par les malikites. Dans toute cette chaîne que je viens de mentionner, tous les savants sont malikites. Les malikites s'arrêtent là. Et lui, il a appris auprès de Cheikh al-Islam, Najmuddin, Mohammed bin Ahmed bin Ali bin Abi Bakr, al-Ghayri al-Shafi'i. Vous voyez, dans le Malikite, on est parti chez les Shafi'i. Il a appris aussi auprès de al-Hafidh, al-Hujjah, al-Muhaddis, Aminuddin, Abu al-Jud, Mohammed bin Ahmed bin Isa bin Najjar, al-Dimyati al-Shafi'i. Et lui, il a appris auprès de Fakhruddin, Mohammed, Ibn Mohammed bin Ahmed al-Asyuti al-Shafi'i. Et lui, il a pris auprès de Al-Hafidh Othman Ad-Dimi, ou Diyami, Al-Shafi'i Al-Masri. Et lui, il a pris auprès de Abu Al-Faraj Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Al-Mubarak Al-Shafi'i. Lui, il a pris auprès de Al-Mu'ammar Al-Kabir, Shihabuddin Abu Al-Abbas, Ahmad Ibn Abi Talib, Ibn Ni'mah, Ibn Al-Hasan Ibn Ali, Ibn Al-Yisan Al-Salihi, Al-Hajjar Al-Dimashqi, Al-Shahir Ibn Shihna. Et lui, il a appris auprès de Al-Adl, Nourdine, Abu al-Hassan, Ali ibn al-Taj, Ismaïl ibn Quraysh al-Makhzoumi. Lui, il a appris auprès de l'auteur de At-Targhib wat-Tarhib, Zakiyuddin Abdul Azim al-Mundhiri. Lui, il a appris auprès de Abu Hafs Omar ibn Tabarzad, Ad-Darqizi al-Hanbali. Là, on est parti chez les Hanbalites. Et lui, il a appris auprès de Al-Qadi Abu Bakr Muhammad ibn Abd al-Baqi ibn Muhammad al-Ansari al-Hanbali. Il a dit, nous a informé Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali al-Jawhari. Il a dit, nous a informé Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Kisan. Il a dit, nous a informé Yusuf ibn Yaqub al-Qadi. Il a dit, nous a informé Abu al-Rabi' Sulayman Ibn Dawood al-Azdi al-Zahrani al-Basri. Il a dit, nous a informé Hamad ibn Zayd. D'après Ghaylan ibn Jarir, d'après Abdullah ibn Ma'bad al-Zamani, d'après notre maître, Sayyidina Abi Qatada, an Sayyidina Abi Qatada, d'après Sayyidina Abu Qatada al-Ansari, qu'Allah l'agrée, que le messager de notre maître, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a dit: donc le jeûne de Ashura, j'espère que Allah Ta'ala, que Allah Azza wa Jal effacera les péchés de l'année précédente. L'Amir Sahir, il a dit: tous les rapporteurs ont dit, je l'ai entendu le jour de Ashura. Il a dit, ce hadith est, musalsal, est récurrent par ce jour béni. Ce hadith est rigoureux, a été rapporté par Muslim, At-Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Bayhaqi dans Sha'ab al-Imam. Donc, malgré qu'on n'ait pas le jour de Ashura, pour ceux qui n'ont pas entendu ce hadith de moi, après avoir cité la chaîne de transmission, donc de la part de mon cher et de ma part, je vous donne l'ijaza de transmettre ce hadith. Et le hadith récurrent de Ashura. Dites, nous acceptons. بارك الله فيكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Vous avez vu qu'on n'a pas eu le temps de faire Risala. Donc, inshallah ta'ala, on va reprendre Risala la semaine prochaine. Inshallah ta'ala, le chapitre du mariage. Barakallahu fikum. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Barakallahu fikum.